Donc on part le bal dans 3, 2. Salut Zachlo, c'est Big Ben! Et Antithèse! Et Retro Gamer PQ! Pour le podcast des Zachlos du mois de février, nous sommes aujourd'hui le 5 février 2012. Salut tout le monde, comment ça va? Bah, écoute, bien, toi. Ça va bien, excuse. Non, pas trop, pas trop. Voilà, ça va très bien, je suis content de vous entendre tous les deux. CE sera pas présent ce soir. Il doit travailler? Non, malheureusement, c'est des travaux d'école. Monsieur est à l'université, alors pour lui, c'est un petit peu plus compliqué. Mm-hmm. Et Marie-Lune, excusez-moi, va nous rejoindre dans quelques instants. Le temps d'essayer d'arranger de son micro, finalement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de vous autres dans le dernier mois? Commencez par Antithèse. Ah, mon Dieu, pour de vrai, moi... non, sérieusement. Beaucoup d'eau et de bas, mais je vous dirais que je sais tant de comment je peux dire ça. Tourner mon énergie négative en positif. Ok. Donc, je savais beaucoup sur. En fait, je savais beaucoup sur. J'ai quelque chose comme combien de projets? J'ai quelque chose comme. J'ai trois critiques en même temps. T'es occupé? Ah, ben, c'est ça, je te dis. Ça va pas si bien dans ma vie personnellement, mais au lieu d'en parler, je préfère. Ouais, ok. Okay. Transporter mon énergie, puis mettre ça dans mes okay. critiques. Côté comme... geek, qu'est-ce que t'as fait? Côté geek, ce que j'ai fait, c'est ça. Surtout du promenage, surtout comme. Surtout de la recherche de pour des deals, comme au. Récemment, je me suis procuré Beyond Good and Evil. Ok. Mm-hmm. The Mark of Cry, leader pour PS2. Et. Un jeu que j'avais un kick. Je suis musicien, je sais pas si vous savez, mais je suis musicien. Mm-hmm. Et j'ai eu un kick. J'ai dit, ah, j'ai lu les critiques. Brutal Legend, ça a l'air d'être vraiment cool comme jeu. Mm-hmm. Et donc j'étais au. Je pense que c'est pas le Game Boss, c'est le. C'est pas le GameStop. C'est sur Wellington à Montréal. Ok. Puis ils découlaient leur stock de jeux de PlayStation 2 et de GameCube, etc. Alors, dans le fond, j'ai eu les trois jeux que j'ai nommés pour 20$. C'est pas payé. Parce que c'était un spécial, 3 pour le prix de 2. Fait que dans le fond, si je me rends compte que Brutal Legends, c'est pas mon style de jeu, mm-hmm. malgré les références sur la musique rock, le punk, le heavy metal, le progressif, que je sais qu'il y a dans ce jeu-là, mm-hmm. Alors moi, je peux pas me en mordre des doigts parce qu'au moins, je peux pratiquement dire, ben, le jeu est gratuit. Ok. Pour l'instant, toi, Ben, qui est encore à Montréal, mm-hmm. Même toi, Retro, si tu veux venir faire un tour à Montréal, au magasin dont après que j'ai parlé, m'a cherché c'est quoi le nom sur Wellington. Il y a encore leur spécial, trois jeux pour le prix de 2 et des fois, comme j'ai dit, tu peux en avoir trois bons jeux pour 20$. Non, c'est pas pire. Ça. C'est bon. C'est encore en vente pour. C'est quoi, c'est en fait, le reste du mois. C'est des jeux juste récents ou. Non, mais c'est toute catégorie. Je sais qu'il y a des jeux de PS2, jeux de PS3, des jeux de Wii, des jeux de GameCube, des jeux d'Xbox l'original, des jeux d'Xbox 360. Donc, il y en a beaucoup de choix d'abord. Oui, il y a beaucoup de choix. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choix. Ok. Ah, c'est pas pire. Puis toi, Rétro, qu'est-ce qui se passe de bon, là? Ah, ben, mis à part la vie normale de travailleur. Comme nous tous. Dans la trentaine, je continue toujours à recevoir de nombreux jeux rétro dont je dois passer beaucoup de temps à jouer. Et que tu te souviens pas que tu les as commandés, étrangement. Ah oui, des fois. Référence à ta dernière vidéo. Des fois, j'ai choisi des affaires que j'avais oubliées carrément. Là. Ok. Et aussi, je fais des trouvailles, comme je sais qu'il y en a qui sont jaloux de voir que j'ai trouvé Metroid Prime Trilogy. Oh! je sais pas de quoi tu parles. Alors, ça vaut juste comme une centaine de piastres à cette heure sur eBay, je pense. Ouais, okay. Mais moi, je l'ai eu pour 50 piastres au micro-play. Bon, c'est bon. Ben, pas neuf, là, c'est sûr. Oh, ouais. Mais, tu sais, puis même si j'ai les trois premiers Metroid Prime, je trouvais nécessaire d'avoir cet objet dans ma collection. Si ce n'est que pour les contrôles. Et fâcher tes amis. Oui, ça aussi. Mais là, je suis en train d'enregistrer une couple d'autres d'épisodes à l'avance. Là, okay. Notamment, là, je vais essayer un jeu de hockey. Moi qui déteste le hockey, mais quand même le faire. Dieu. C'est drôle, hein? En plus, ce soir, c'est le Super Bowl, puis nous trois, on est ici en train de jaser de jeux vidéo. Ouais, ben, ça aurait été comme d'habitude, je serais avec mes collègues de travail. D'habitude, on fait un pool, puis après ça, on se rencontre pour le Super Bowl. Mais cette année, on n'a pas fait, donc c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que t'es là. Eh ben... Ben pour moi, dans mon cas, ben j'en reviens tout juste d'une virée de magasinage avec Marilyn. Ouais. Où elle a acheté beaucoup de choses pour ses vlogs de Marie. Et je me suis acheté une couple de jeux, en spécial chez Big Games, et j'en suis très fier. J'ai réussi à pogner Metroid Other M 9 pour 10$. Ah, c'est bon. C'est-tu en spécial genre 50% ou c'est son nouveau prix standard? C'est son nouveau prix standard parce qu'il y a une étiquette blanche dessus. Aïe aïe! Je pense qu'il a mal vendu. Mais moi, je l'ai eu pour 20$ au Future Shop. Et pourtant, le jeu, moi, je le trouve bon. Tu sais, le monde fait ce qu'il chiale. Oh my god! Trop. Moi, oui, vas-y, rétro. Moi, je vais te dire, les contrôles m'ont fait carrément chier. Ah oui? En tout cas, t'en parleras à ma blonde. J'ai sacré beaucoup. Et je voulais pitcher mes Wiimotes, mais comme ils sont fragiles et coûtent cher, ça me tentait pas de les pitcher. C'est à fait. Moi? Mais j'y les aurais pitché une couple de reprises. Ok. Puis toi, tu sais quoi? Honnêtement, moi, les contrôles pour Other M, j'ai pas de trouble avec ça. Ah. J'ai vraiment pas de trouble avec ça. Moi, c'est autre chose qui je pourrais en parler jusqu'à l'an prochain ou jusqu'à la fin du monde sur c'est quoi qui est le problème avec Other M. Non! C'est comme le jeu que Marie m'a donné pour Noël, l'Incredible Hulk. Mm-hmm. C'est un jeu fun à jouer. Mm-hmm. Mais quand tu prends 2 secondes et tu réfléchis à ce à quoi tu as joué ou whatever, tu te rends compte que... C'est pas mieux. Tu te rends compte que finalement, spoiler, ça fait partie de mes projets, mais pour l'été. Ok. Yeah, ok. Sinon, ben j'ai réussi à pogner Rayman Origin pour 20$ sur la Wii. C'est cool. Oui, j'ai hâte d'y rejouer. J'ai hâte d'y jouer. J'ai pas joué encore. Puis, ça a l'air que c'est. En tout cas, de ce que j'ai lu des critiques, c'était un très bon jeu. Fait que je vais essayer ça avec ma copine un soir de semaine. Et je me suis pogné 3 jeux en liquidation de PS2 sur OEB Games. Alors, j'ai payé quasiment 1$ chaque. 2 jeux de PS2. Virtua Fighter 4. Evo, j'ai pogné Juice 2, j'ai pogné aussi Getaway. Donc, non, je suis quand même content de mes achats. Ça a été une bonne petite radio de vente. C'est oui. Cool, ça. Puis, à cause aussi de toi, Rétro, ben, j'ai acheté The Binding of Isaac sur Steam. Que depuis ce temps-là, j'arrête pas de faire des petites games. Excellent achat. Oui, je suis vraiment content de l'achat. J'ai bien aimé le jeu. Bon, mais j'ai encore les mêmes critiques que toi, les maudits contrôles que je déteste. Oui. Et j'ai essayé d'arranger Joy2Key, puis j'ai pas été capable. C'est dur! Ben, au début, je comprenais pas trop comment ça marchait Joy2Key, mais j'ai finalement réussi à trouver qu'il faut que tu ailles dans le deuxième table des contrôles pour que ça marche vraiment. Ah, ok. Oh puis, God. Ils considèrent la première manette comme la manette numéro 2. C'est pour ça qu'il faut que tu ailles dans le deuxième table. Ah, ok. Bon, je vais essayer ça un soir. Là. Je vais me brancher ma manette de PS2 puis je vais jouer à ça. Et non, c'est ça. J'ai bien apprécié. Puis sinon, ben, je passe. Si vous me suivez sur Steam, ben, vous voyez que je passe la plupart de mon temps sur Star Wars. Et sinon, ben, je suis comme Rétro. J'ai rembarqué dans WoW. Ouais, ça c'est. On a rembarqué tous les deux le mois. Ce mois-ci. Je sais pas pourquoi. C'est un addon. Ça faisait... Moi, ça faisait 6 mois, à peu près? Oui, j'avais lâché en juillet, août. OK. Moi, j'avais lâché en janvier l'année passée. Ouais. Après 7 ans de service dans WoW, là, incluant le close beta. Là. Pauvre de nous autres. Et oui, on est retombé accro. Mais pas accro, mais j'essaie de faire attention cette fois-ci. J'essaie de moins jouer, puis de... Peut-être passer une soirée à la place d'une semaine complète dessus, là. Ouais, mais c'est ça qui est difficile avec le jeu, là. C'est qu'aussitôt tu commences quelque chose, là, tu te dis, ben, faudrait que je fasse ça, faudrait que je finisse ça. Ah, tiens, je pourrais finir ça, m'a travaillé là-dessus. Mm-hmm. Mais c'est ça qui m'arrive, moi, là. Oui, je comprends. Ah, moi, c'est... Au début, c'était vraiment avec ma Teleri. Mon personnage s'appelle Teleri. Puis, moi, j'étais vraiment quelqu'un qui... qui allait vraiment faire toutes les instances, les gros raids, puis je voulais vraiment que mon personnage devienne meilleur. Puis j'ai eu une grosse écœurantite. Ben, c'est ça le but aussi de ces jeux-là. C'est tout faire, comme n'importe quel jeu dans le fond. Ben, moi, ce que je me rends compte, c'est que le World of Warcraft, c'est vraiment fait pour que tu joues qu'à ça. Tu ne fais rien d'autre. Parce que j'avais des accros pendant que je jouais à World of Warcraft, puis croyez-moi, c'était difficile de faire des critiques souvent de d'autres jeux, parce que je n'avais pas envie de jouer aux autres jeux, j'avais juste envie de jouer à ça. Mais j'ai réussi à m'en défaire, puis je suis content. Puis là encore, je joue une fois de temps en temps avec Marilyn, puis je joue peut-être une soirée, peut-être une petite heure une fois de temps en temps. Mais le reste de mon temps, j'étais encore sur ma Wii en train de jouer à mes jeux. Fait que... C'est correct, ça. Ben oui, c'est bien correct. Fait que sinon, on va, à part ça, c'est moi aussi dans vos vidéos, les gars. Bon, on a eu beaucoup de vidéos de vous deux. Lorsqu'on regarde ça. D'abord, ben, on a eu les fameux échanges de cadeaux qu'on a reçus de CE finalement, avec Mad World. J'aurais pensé qu'Antithèse t'aurait été plus chien avec. J'ai pensé à Heavenly Sword, mais encore là, ça a été peut-être une bénédiction plus qu'un sort pour CE. Si. Puis, je voulais faire quelque chose de weird, puis à quelque part, je pense que j'ai réussi mon coup avec Mad World. Qu'est-ce que t'as contre Heavenly Sword? Non, ça je dis, Heavenly Sword, c'est un bon jeu. Okay. C'est cool, mais c'est un bon jeu, c'est ça que je dis. Si j'avais, au lieu de donner Heavenly Sword à CE, je pense qu'il aurait autant aimé que Mad World. Mais je me demande, mais en tout, je me suis dit, peut-être que c'est là, ce jeu-là, fait que, bon, on va passer. Sinon, j'avais pensé à acheter PET à CE. Ok. Pet pour la DS. On a eu également ce mois-ci les Giger qui a fait sa première vidéo de critique de mon cadeau que j'ai offert et qui a rien compris de ce que c'était quoi le jeu. Alors, inquiétez-vous pas, les accros, si ça vous tente de savoir c'est quoi ce jeu-là, je vais vous faire une vidéo prochainement, comme j'ai fait avec ma vidéo de Magic, là. Je vais vous présenter les règles, tout ça. Mais j'ai été dans la compétition des Au Québec. De Lord of the Ring Trading Card Game. J'ai fait partie de la compétition. J'étais au Québec, je pense que j'étais classé comme 110e sur 350 personnes. Ah, quand même. J'étais pas si pire. Je gagnais quelques matchs, mais je me faisais planter tout le temps. Puis j'ai joué contre un champion en plus, champion mondial. Skate pas. Qui est Monsieur Patrick Sullivan. Si jamais tu te reconnais, tu me diras un petit salut. Patrick Sullivan, qui à ce temps, je pense qu'il est rendu à refaire des tournois de Magic. Mais il fait ça de sa vie, lui. Il joue qu'à des jeux où il y a des tournois, puis il gagne des millions. Mais il gagne pas des millions, mais tu sais, il m'a amené à gagner un char. Il l'a revendu. Quand même. Ah oh, oui, regarde. Quand même. Il a fait une coupe de mille avec cette série-là. Là, c'est vraiment cool. Écoute, pourquoi pas. Je veux dire, il y a ben des gamers qui sont professionnels. Oui, c'est ça. Et ça, sans compter les bêta testeurs. Il y a des gamers professionnels. J'en sais pas plus, mais tout ce que je sais, c'est que ça existe. Ouais. Mais il y en a, écoute, ben c'est surtout ceux qui font des compétitions de jeux sérieux, là. Je me souviens qu'à un moment donné, à Monsieur Net, il y avait une fille qui passait là, puis elle était championne à. Voyons, comment ça s'appelle? Counter-Strike. Ah oui. Faut être fort, là. Oui. Être fort, oui, mais 20. Moi, j'adore en plus Counter-Strike. Là. Faudrait que je l'achète sur Steam en passant. Mais non, c'est ça, c'était vraiment cool. Là. J'ai bien trippé. Puis je sais que ça existe. Je sais que, genre, quand tu vas en Corée du Sud, ben, ils ont une ligue de StarCraft aussi. Ouais, que... mais eux autres là-bas, la ligue de StarCraft, c'est comme les joueurs de hockey ici là-bas. Ouais. Sauf c'est des héros, puis ils ont leurs photos partout. Leurs joueurs sont bedonnants, mais ça, c'est autre chose. Ben bon. Fait que sur ce, les accros, on va faire une première pause pour refaire. Je dois faire un petit arrangement quelque part sur l'ordinateur à Maylune pour qu'elle soit présente et on revient après la pause. Hey guys, what's going on? You are listening to Les Podcasts de Echo with Big Ben and Reviewer C. I'm Mike the Birdman Dodd, and trust me, this show doesn't suck. Hey, on est de retour. Alors, j'ai essayé d'arranger l'ordinateur à ma copine. Malheureusement, Marie-Lune ne sera pas là ce soir. Je suis désolé à gang. Elle est très, très désolée également. Mais elle va être présente pour le prochain podcast, soit celui de JP ou de le podcast prochain, là. Correct, ça. On va organiser ça. Pas de problème. Tout d'abord, on va aller dans les nouvelles. Puis, on a d'abord une première nouvelle qui vient de notre ami JP Cardin. Ah oui, non? Et oui, JP Cardin a fait ressusciter le Geekfest de Montréal. C'est-tu pas une belle nouvelle, ça? Oh, wow! Wow. Moi, je dois t'avouer que je ne connais pas le Geekfest de Montréal. Ben, mettons que tu prends tous les festivals de Montréal, là, mettons le Takuton, c'est le concept pour ce qui est de la science-fiction, un petit peu le Comic-Con, tu mets tout ça ensemble, là, puis tu fais un petit salon. Okay. C'est ça que ça donne. C'est vraiment cool. Moi, ça a été mon préféré. Moi, j'ai fait le Takuton, j'ai fait le Comic-Con, j'ai fait le Geekfest. Puis ça a été un de mes préférés parce que j'aimais l'ambiance qui était là. C'était vraiment très relax. C'était pas... quand tu te promenais là, t'avais pas besoin de te sentir obligé de porter un costume ou quoi que ce soit. Non, t'es toi-même puis tu fais du fun. Mais si ça te tentait d'être costumé à faire un otaku de toi-même, ben tu pouvais également. C'est ça qui était la beauté de la chose. OK. Fait que JP fait ressusciter ça, cependant ça ne viendra pas cette année, ce qui est normal vu que le festival est en mois de janvier ou février. Mais il va être présent en 2013. Fait que entre temps, si jamais vous voulez avoir des informations ou si vous voulez faire partie de l'équipe de Geekfest, JP Cardin va chercher ça. Alors si vous voulez le rajouter sur Twitter à JP Cardin. Si jamais vous voulez participer au Geekfest prochain, ben c'est lui qui va peut-être vous dire « Ah oui, rembarque dans l'équipe! » Alors, j'ai hâte de voir ça, parce que vous connaissez JP, il est très, très... c'est un gars qui aime vraiment les conventions à tour de bras. Lui, il en fait plein. Il va à Québec, il va à Montréal, il va même à Toronto pour le jour de l'an. C'est un gars qui triple là-dessus. Fait que... Moi, je l'appelle le king sans, le roi sans couronne des geeks, en fait. Ah, tu trouves? Mais sur tout le lot, JP est dur à battre. Ouais. Mais mettons qu'il y a une bonne connaissance à ce qui a trait à tout ce qui est science-fiction, là. Il est dur à battre. Sérieusement, moi je pensais être pas pire, je me trouvais bon, là. Mais lui, il m'a prouvé que je faisais pitié solide. Peut-être pas. Non, peut-être pas pitié, mais tu sais. Pourquoi je peux te dire ça? C'est juste que JP a également la chance d'être. Sa propre classe. Ouais. Mettons c'est, que. C'est super, c'est ça qui l'aide beaucoup. Ouais. Mettons qu'il est pas mal. En tout cas, il n'y a pas personne qui arrive à sa cheville. Surtout pour ce style déguisé en Klingon, je pense qu'il est pas mal le seul au Québec. Ben bon, ton costume, il te va à merveille, JP, en passant. Sinon, à part ça, il y a d'autres nouvelles qui sont sorties sur Internet dernièrement par rapport le PSN qui a changé de nom. Ah ouais? Ah bon? Eh oui, le PSN ne s'appellera plus le PlayStation Network Account, ça va être à présent le Sony Entertainment Network Account. C'est nul. Ben, ouais, c'est très c'est long suspect. Comme nom. C'est suspect, moi, je trouve. Ben, ils disent que... C'est sûrement pour faire oublier le monde qu'il y a eu des problèmes avec le PlayStation Network, puis là, on recommence à neuf, puis c'est pour faire semblant de faire comme s'il n'y avait plus de problème. Effectivement, mais selon moi, ça s'englobe plus que vu que Sony, bon, ils s'implantent avec leur système plus relié ensemble, comme la PS3, la PSP, la PS Vita. Ben, probablement qu'avec prochainement les télés, ben, on va pouvoir aller chercher des films sur la télé. Ben, ça va peut-être jouer là-dessus aussi. Fait que, selon moi, peut-être pour ça qu'ils veulent faire un changement de nom. Pour que tous les produits Sony soient ensemble, finalement. C'est ça, ils veulent universaliser leur lot. Oui, leur marque de commerce finalement. Là. Sinon, ben, moi, ça me fait ni chaud ni froid. Là. Je joue quasiment même pas sur le Sony, sur le PlayStation Network, dans mon cas. Je joue quasiment plus sur Xbox Live. J'ai l'impression de plus aimer le feeling de jouer sur Xbox Live que sur PSN. Mais pour moi, c'est personnel. Là. Ben, c'est ça. C'est chacun son choix. Je veux dire, c'est encore là. Ça dépend. Ça dépend. C'est t'es d'un Xbox, t'es Xbox Live Arcade, t'es PlayStation, t'es PSN. Mais regarde, moi, je t'avoue que c'est temps-ci, je suis plus Wii. Même pas pourquoi. Non, la Wii, c'est rare qu'ils sortent des jeux. Mm-hmm. Mais il y a certaines belles trouvailles sur la Wii Store. Oui. Oh oui. Mais moi, c'est surtout rejouer à des vieux jeux rétro. Là. Je suis un peu comme un rétro gamer là-dessus. Là. Ben oui. Mais oui, l'affaire, c'est que je les ai achetés aussi sur la Wii Shop. Puis je les ai en physique aussi. Moi mm-hmm. Ouais, tout. Ah ouais, j'ai quasiment au moins trois copies différentes. Le double. Là, j'espère juste que pour la Wii U, je vais pouvoir transférer ces jeux-là dans ma oui, Wii U. Oui, ça, c'est quelque chose qui me chicote beaucoup parce oui. que je trouverais ça vraiment cave de Nintendo de ne pas instaurer un système de transfert pour la prochaine console qui, apparemment, selon les rumeurs, ne s'appellera pas la Wii U en passant. Ah! Oui, ça peut changer encore pour Nintendo Revolution. Mais ouais, c'est un très peu probable. Ouais, c'est ça. Moi, il y a même eu des rumeurs comme la Nintendo Core. Puis plein d'affaires. Là. Mm. Mais bon, ça reste encore au niveau de rumeurs. Mais bon, j'espère sérieusement qu'ils vont instaurer un niveau, pour, quelque chose pour transférer les jeux parce que ça me ferait carrément chier ouais. d'avoir deux consoles dans le salon pour jouer à mes jeux. Tandis que la Wii U pourrait remplacer les deux vu qu'elle est compatible avec les jeux de Wii. Ouais. Mais moi, je vais être obligé de ressortir ma bonne vieille GameCube pour mes jeux de GameCube que je joue encore. Ouais. Ben oui. Alors. Eternal Darkness. Oui, moi, c'est surtout Luigi's Mansion. Rest 4 que je joue encore dessus. J'ai même la version Wii, mais pourtant, on dirait que j'aime mieux jouer à sa version GameCube. Je sais pas. Moi, mais ma GameCube, elle sert plus pour le Game Boy Player. Ah oui, ça, je te l'accorde. C'est très utile pour ça. Oui, effectivement. Sinon, à part ça, dans les nouvelles, on a aussi une nouvelle à propos de Mass Effect 3. Les gars, je sais pas si vous avez déjà joué. J'ai jamais joué au Mass Effect. Non? Juste la démo. Toi, je sais que t'es pas tripeux de shooter, de first person. Non, effectivement. Mais celle-là, je te dirais, si t'aimes les jeux d'RPG, là, tu as de fortes chances que tu vas l'aimer. En tout cas, faut le tester pour le jouer. Faut vraiment jouer pour l'aimer. Moi, c'est ce que j'ai vraiment embarqué là, parce que le système mélange. C'est vraiment un mélange entre RPG et d'action. C'est vraiment... Ouais, mais me connaissant, je suis très sceptique. Ok. Même pour, mais, un autre exemple, même c'est pas exactement pareil. Fallout 3 ou New Vegas, t'as essayé ça, Reto? Non. Ah. Non. J'ai jamais joué Fallout. Moi, je suis pas très PC. Puis Fallout, ça a commencé sur le PC. Ok. Oui. Ok. Ben, c'est sûr que c'est différent. Le 3 est vraiment différent comparé du 1 et du 2. Là. En ce qui a trait, c'est vraiment plus action. Là. Mais c'est cool de la façon que tu peux viser une partie du corps de la créature que tu vas abattre puis que tu vois vraiment la balle aller lentement puis rentrer dans la tête du monstre puis qu'elle sorte en arrière. Là. T'es vraiment... Mass Effect 3. Ben, Mass Effect 3, je sais pas s'il est là-dedans. Ben, pour non, ce qui... non, mais toi, tu parles de Mass Effect 3. Ouais, non, je parle de Fallout 3, là. Ah, ok. Ça, je vais me dire aussi, là. Ouais, c'est ça. Mais, donnez-moi juste un petit instant. Je pense qu'on va avoir un invité supplémentaire. Oh! Dark Smile. Non. Oh! Ouais, mais Dark Smile, le problème, c'est que, bon, il y a des horaires très, très différents comparés à nous autres. Non, c'est ça. Mr., lui, il est cuisinier, alors... il est cuisinier? Ben, si je me souviens, je pense bien que oui. Ok. Non, en tout cas, je mets ça sur un gros bémol, mais je sais qu'il y a des horaires de travail très très irréguliers, fait que pour lui c'est plus difficile. C'est dit, effectivement, c'est pour les horaires qu'ils ont. C'est ça. C'est confirmé. Ouais, c'est ça. Tant que c'est pas un pseudo cuisinier comme ceux qui font de la TV. Là. Ouais, genre Ricardo là. C'est des pseudo cuisiniers qui passent plus de temps à TV que dans leur cuisine. Ouais, ça c'est un fait. Mettons que mais Chef Louis, je pense que je l'ai vu plus souvent à la télé qu'ailleurs. Donnez-moi un petit instant. Ah, okay. Mais j'aime bien Gordon Ramsay par exemple. Ouais, Gordon. Ça c'est mon genre. Ça. Effectivement, on te reconnaît avec Gordon Ramsay, effectivement. You effing shock. Je suis sûr que vous avez joué à Hell's Kitchen en plus là. Ma blonde a acheté le jeu de DS de Hell's Kitchen, puis j'attends qu'elle m'en parle plus pour voir c'est quoi. Là. Mais j'ose pas trop m'aventurer là-dedans. JP! Hey! JP est présent avec nous autres. Hey! C'est JP! Il est parti. Oh! Pas besoin de la fièvre. Hi, c'est très très saccadé. T'es-tu un petit problème avec ta connexion? Je sais pas. Non, ben là, ça c'est-tu mieux, là? Ah, là, c'est mieux. Non, c'est pas pire, okay, c'est pas pire. Fait que, JP, mais on parlait de toi? Ouais. Hein? Monsieur qui est enrhumé, mais pourtant, a fait un miracle. Ben, c'est ça que je fais mieux, moi. T'es le seul Klingon que je connais qui a le pouvoir de ressusciter les morts. Surtout quand on appelle un fest. Ouais. Ben, c'est pour moi tout seul aussi, faut pas oublier que j'ai... j'ai du monde derrière moi pour ça, là. Uh-huh. Je vais pouvoir révéler les noms bientôt, dès que les papiers seront officiellement signés. Mais j'ai une équipe d'enfer. Ça va être vraiment génial. OK. Ah, ben c'est génial d'abord. Fait que, écoute, je sais que t'es dans le statut préliminaire pour ce qui est du Geekfest. Je sais que tu peux pas parler ben de choses, mais est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi, ça va être quoi ta vision du Geekfest? Ben, je dirais, en premier, je pense que ça va être de continuer des traces qui ont été lancées. Je pense que c'est la première chose auquel les gens s'attendent, c'est d'avoir une expérience semblable à ce qu'il y a eu l'année passée. Sinon, c'est dur à dire encore. Rajouter plus d'activités, c'est sûr. Peut-être un meilleur local. Plein de petites choses de même, mais je dirais vraiment cette année. Cette année. Pour 2013, il faut encore je m'habitue à dire 2013 au lieu de cette année. Là. Mm-hmm. On va vraiment ça. On va vraiment se focusser à rendre. À pas arriver dans le trou, puis à rendre les visiteurs satisfaits. D'accord. Après ça, on va pouvoir voir plus grand, c'est sûr, parce que c'est vraiment voir... C'est pas juste ce que je veux aussi, c'est savoir aussi ce que le monde veut. Mm-hmm. Ça, c'est le plus important. Comme j'ai dit auparavant, JP, si jamais les gens veulent te proposer soit des idées ou bien de leur donner leur aide, je leur ai donné ton Twitter... Okay, fait qu'ils puissent te contacter. Il y a aussi mon adresse courriel, jp.cardin@geekfestmtl.com. Ça me fait plaisir de répondre à toutes vos questions. Mais il y a une chose que je suis pas mal certain qu'il va avoir, ça va être une section gaming un peu comme l'année passée. Mm-hmm. Je suis déjà pour parler avec le club des collectionneurs de jeux vidéo du Québec. Cool, il était vraiment beau. Surtout le gars qui avait amené son Famicom. Ouais. J'avais vraiment trippé parce que il avait amené quelques petits bijoux du Japon que j'aurais vraiment aimé pouvoir voler et l'amener chez nous. Mais là, cette année encore, là, j'ai deux personnes qui ont des Famicom avec les lecteurs de disquettes qui sont proposés à moi. Fait que ça va être assez. Ça va être assez spécial. Fait que. Mais bon, sinon, question de plugger, c'est ça, nos premiers. Nos premiers associés, ben, si vous êtes curieux, allez voir justement le club vidéo. Le club des collectionneurs de jeux vidéo du Québec, juste à googler ça. Ça se passe une fois de temps en temps au e-musée. Ils se rassemblent puis c'est. J'ai hâte de voir ça. Il paraît qu'ils vont faire quelque chose en février, donc Et voilà, ma plug est faite. Ah ben c'est super d'abord. J'espère que tu vas pouvoir venir régulièrement au courant des activités pour ce qui est du Geekfest. Ben oui. Alors, on va continuer d'abord les nouvelles, puis je sais que JP, toi, tu es un grand fan de Mass Effect, comparativement aux deux autres gars. Ouais. Est-ce que tu as vu la nouvelle? Ça veut dire quoi, ça? Ben, tout simplement que, ben écoute, tu t'as pas trippé Mass Effect autant que moi puis JP, là. Non. J'ai pas écouté vraiment les nouvelles par rapport à ça, parce que j'essaie de rester spoiler-free un peu. C'est dur dans un environnement super médiatisé comme ça, là. Mais c'est curieux d'entendre. C'est quelque chose, mais c'est pas spoiler, c'est plus quelque chose qui va attiser ce qui va être dans le futur de Mass Effect. Ah, OK. Parce que le producteur de Mass Effect vous suggère de garder vos saves de Mass Effect 3. Oui. Ça, c'est vrai, j'avais entendu. Est-ce que ça va être pour prochain MMO? Je sais pas, mais sinon... Je dirais aussi, ça me surprend pas tellement, c'est EA qui est en contrôle de BioWare, fait que c'est malheureusement, comme la tendance est, c'est pas mal de milquer toutes les licences qu'ils ont, là. C'est un peu... on va espérer que BioWare sache résister aux corporatifs monstre là. Mais déjà qu'il va avoir Origin sur l'ordinateur, la version ordinateur. Ouais, déjà que ça confirme le fait que je vais l'acheter sur Xbox. C'est le fait que, malgré le fait que si j'ai un ordi, je jouerai pas à Battlefield 3. C'est dommage, mais c'est le fun d'avoir des principes des fois. Ben, c'est bon des fois. Je sais pas si vous avez vu, là, mais. Excuse-moi? Excuse-moi, JP? Allô? Oui, on t'entend. Non, excuse-moi, ça, j'allais juste dire. Tu sais, quand tu sais que Origin scanne ton disque dur au complet, pis tu sais pas vraiment ce que c'est que ça va, là, ça te rassure pas ben, tu sais. Non, pas ben. Mettons que savoir que, je sais pas, au moins que mes informations personnelles par rapport à je suis un homme de 26 ans qui habite au Québec, qui parle français et anglais, à s'en être dans des mains de compagnie, je trippe pas, moi. Ben, moi, je veux dire, honnêtement, ça me pose pas de problème parce que, tu sais, Google le sait déjà, Facebook le sait déjà, puis c'est vraiment juste à des fins publicitaires. Mais Origin, j'ai un peu plus de misère parce que, avec la mauvaise lancée qu'ils ont de bannir les gens pour des riens, là, c'est pas un bon combo, disons. J'en ai vu un m'amener, je pense que c'était à cause de The Old Republic. Que les gens de EA ont décidé de bannir un gars parce qu'il avait 12 ans. Ouais. Je sais que l'âge légal est 13 pour jouer à ce jeu-là, mais je pense que c'est un petit peu trop. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'en pensais, les gars? Qu'est-ce que t'en penses, 13 ou les rétro? Moi, personnellement, s'il avait 12 ans, il est déjà là en partant, il n'y avait pas l'affaire là. Mais je veux dire, tu sais, dès que tu écris sur le forum que tu as 12 ans, ils te bannissent du jeu. Ben, ouais. C'est correct. Et ben. Puis toi, tu fais. Ça y apprendra à connaître. C'est ça. C'est un fait. Parce que c'est plate à dire, mais c'est plus bien rendu. Non, dans le fond, je dis qu'il me passe en travers la tête, mais là, dans le fond, ça, c'est mon argument. Qui sont les gens pour arriver puis dire que la personne a le droit ou pas le droit d'être en chatroom? Ben, c'est des je sais pas, il doit y avoir des règles par rapport au ESRB, des trucs machin comme ça. Ouais, non, c'est ça, c'est des trucs légaux pour ça, là. Ouais, mais en quelque part, c'est pas un petit peu de la... C'est quoi le mot? De la manière à soi. C'est pas un petit peu comme... Hein? Non, c'est ça. Je sais pas ce que j'ai à foire, mais j'ai de la manière avec mes mots. C'est pas un peu discriminatoire. En quelque part, là, je propose une opinion à contresens pour qu'on se pose la question à tout le monde. C'est pas... Un peu du... Bravo, j'ai perdu mon mot. Hop. Alors, bravo. Bon, ben c'est pas grave. Discrimination. C'est pas okay. Un peu discriminatoire. Mais il y a des lois et des choses comme ça qui sont basées pour interdire aux compagnies de faire telle et telle chose. C'est notamment l'organisation du SRB aux États-Unis. Qui dicte quel jeu est apte à quel âge, et puis il faut que les compagnies de jeux observent ça, sinon ils peuvent être soumis à des poursuites, des trucs comme ça. Mais, puis, mais, comme les cigarettes, puis la porn, là. Ouais, mais en même temps, ça va pas forcément empêcher les ceux qui n'ont pas forcément l'âge légal quand même de consommer. Là-dessus, je pense que j'ai parlé avec Big Ben. Big Ben et moi, même c'est séparément marqué bien, on a travaillé chez Microplay. Dans ton cas, Big Ben, est-ce que toi aussi, tu as déjà eu la mère d'un jeune de 9 ans qui est venu au comptoir, puis elle t'a dit, je veux Grand Theft Auto San Andreas. Ouais, moi, quand je voyais le jeune à côté, j'étais obligé de dire à la madame, écoutez, madame, ce jeu-là est considéré 17 ans et plus, est-ce que vous donnez l'autorisation à acheter le jeu? C'était vraiment le speech que je devais dire. Si elle disait, des fois, je voyais la madame, elle faisait comme, quoi, tu veux que je t'achète ça? Puis elle était vraiment offusquée solide, là. Oui, parce que les parents, ils sont pas au courant de pantoute. C'est ça. Il y en a d'autres cas où la madame, elle arrive, elle dit, regarde, mon calice. C'était mon cas plus fréquemment. C'est non, achète-moi le jeu. Moi, j'ai fait ma job. Fait que, moi, je m'en lave les mains, même si ça ne s'empêche pas que je me sens un petit peu mal d'avoir vendu le jeu à un jeune de 9 ans. Je peux pas arriver à te dire, en tant que vendeur, je l'ai pas, il était très présentoire. Écoute, moi, personnellement, je pense que ça, la décision revient aux parents. Puis c'est selon ce qu'eux, l'éducation qu'ils veulent donner à leurs enfants, c'est eux qui décident. Et voilà. C'est pas au gouvernement de décider ou quelque chose du genre. Mais ça en va de plus en plus vers ça. Alors, regarde au Québec, je pense qu'on est plus contrôlé au point de vue plus familial, etc. Je trouve qu'on... On n'embarquera pas la politique, là, mais... Non, puis c'est bon, parce que moi, puis Rétro, on reste dérailler le podcast vers ça. Non, c'est pas grave. Regardez, j'ai déjà planifié que ça soit un gros podcast aujourd'hui, alors c'est pas plus grave que ça. Tout ce que j'ai à dire, c'est finalement, c'est que le parent a son choix, décide de choisir... Excusez-moi, Marie... Elle... Marie est en train d'essayer d'arranger son micro, c'est vraiment drôle. Café à marteau. T'aurais filmé ça. Oui. Ça va se retrouver sur Twitter. Non. Mais écoutez, bon, on peut comprendre. Mais bon, c'est pas plus grave. On va changer de sujet. Une autre nouvelle qui m'a fait rire. Vous connaissez tous Gene Simmons? Oui. Le fameux bassiste de Kiss. Ben oui. Avec le gars qui a assuré sa langue, je pense, pour combien de millions? 5 millions? Ça, c'est sans compter les rumeurs sur la chirurgie pour l'allonger. Oh! Tu vois, moi, tout ce que je voyais, c'était... Moi, j'étais sûr que c'était une prothèse, mais bon. Ça peut être la vie de tout le monde. C'est ça. T'sais. Mais monsieur, il veut faire un Angry Bird Kiss. Ça m'étonne pas de lui. Il dit, we're talking with Angry Bird Kiss and Angry Bird which will become a deal. Moi, j'imagine tellement le moineau avec la face de Gene Simmons maquillé. Mais à place d'utiliser Slingshot, c'est que tu prends la langue, tu tires puis tu le lances. Mais ça revient pas à tirer des pingouins, ça. C'est un fait parce que la face est noire et blanche. Ça revient au même. Oui. C'est pas mal niaiseux, je trouve. Mais c'est des affaires dans lesquelles il faut que tu t'attendes avec Gene Simmons. Le gars, s'il y a une façon de se faire cash avec n'importe quoi, il va le faire. Mais c'est un businessman. Hein? C'est devenu un businessman assez coriace, effectivement. Mettons que son amour de l'argent n'égale pas son amour pour la musique, ce qui veut dire que l'argent est plus aimé que la musique. Oh oui, pour Gene Simmons, absolument. Mais pour avoir été le voir la dernière fois, quand ce qui est passé, comment ça s'appelle, le festival à Montréal. EVMetal? EVMetal, EVMTL. Ouais, EVMTL. Il a donné un esti de show, là. Moi, j'ai trippé pendant tout. Il a fait 2h30 de show, là. Oh, à la fin, là, j'étais encore shaké, je rentrais chez nous, je shake encore. Aïe, aïe. Quand même. Parce que, tu sais, ils n'ont pas laissé une minute pour se reposer, ils n'ont pas fait aucune musique tranquille, là. C'était de la musique rock du début jusqu'à la fin. Fait que ça, c'était cool. Sinon, changement de sujet. Les gars, vous êtes tous des tripeux des Simpsons? Pas vraiment, là. Moi, c'est Family Guy. Ou mieux encore, American Dad. Moi, c'est Robot Chicken. Ah! Tout JP? Un peu de toutes les réponses? Un peu de toutes les réponses. Ben, finalement, le jeu des Simpsons Arcade est sorti sur Xbox Live! Non! Ah, ouais! Oh, le seul qui avait dans les arcades, là? Oui! À 4 heures! C'était fun, ça. J'allais à Montréal juste pour ça, pour aller à la ronde. Aïe, aïe! Il ne l'avait pas ici. Ah, alors... C'est clair! Il l'a fait sur Xbox Live. Et il est sorti vendredi sur Xbox Live et il sort sur le PSN le 7 février. Combien? Alors, il est 800 points Microsoft points ou 10$ sur le PSN. C'est un peu cher. Ben oui, c'est un peu cher, je l'avoue. Pire. 800 points, c'est 10$? Oui. Pour un jeu de même qui... En tout cas... que je trouve assez âgé. 10$, je trouve ça pas mal cher. Il va y avoir quelques contenus supplémentaires, comme la version japonaise du jeu, des visual art également. Puis c'est ça va ressembler un petit peu au même principe que X-Men Arcade, qui est sorti il y a quelques mois de ça, finalement. Oh, mais c'est tout digital. Ouais, c'est ça, c'est tout du digital. C'est pas comme si t'achetais un produit dans une boîte, puis là, il y avait des posters, puis des affaires de même. Parce que 10 piastres, je trouve ça cher pour une chose digitale. Mais si on peut jouer en ligne... Combien d'argent t'avais mis là-dedans quand t'étais jeune? Moi, ça? Ouais, mais dans ce temps-là, ça, c'était du temps. C'était de l'époque. Donc, ça valait le prix. Ouais. Puis aujourd'hui... J'irais pas acheter Mario 1 à 50$, là, tu sais. Je l'achèterais pas plus que 2$, là. Tu comprends? Ben, est-ce que je suis capable de le trouver 10 pour 2$, là? Ben, c'est ça, là, tu sais. Moi, dans le temps, quand j'avais acheté Super Mario Bros. 3, je l'ai payé 100$, là, quand il est sorti. T'avais-tu la version Jap ou la version américaine? La version américaine. Ah ouais? Ah oui, dans les années 80, les jeux coûtaient cher en tabarnak, là. Puis, j'ai le droit de sacrer dans le podcast. Oh, t'as le droit. ouais, les jeux coûtaient cher en maudit, là, puis le monde, ils se plaignent aujourd'hui que les jeux coûtent cher, mais moi, en tout cas, moi, je me souviens que les jeux coûtaient sacrément cher dans le temps. Ben, JP, je pense que c'est confirmé. Battletoads m'avait coûté 80$. Ben oui. Toi, t'es pour moi, j'ai jamais été console quand j'étais plus jeune. Moi, c'était le 2,86, fait que je peux pas vraiment confirmer. J'ai jamais magasiné ça quand j'étais jeune. Sur PC, quand t'en avais, dans le temps? Ah, c'était mon bac que j'étais ça. On faisait, tu sais, on changeait les jeux, on payait pas pour ça, nous autres, là, à l'époque. Ben oui, je payais pour ça, moi, je passais le journal juste pour ça. Hey, don't copy that floppy. C'est la tch. Ben écoutez, moi, du temps que j'en achetais, moi, j'étais dans le temps du PS1 puis du 64, fait que les prix avaient quand même baissé un peu. Oh, mais oui. Je me souviens que ma mère avait acheté Mario 3, mais c'était pas la version américaine, c'était la version japonaise. Ah, donc, avec Il y en avait quelques-unes dans les clubs vidéo. Oui. J'y rejoue, j'ai encore la copie, là. Puis elle est plus dure que la version américaine. C'est ça, c'est sûr, ça. Tu te touches une fois, tu te retombes en petit bonhomme. Ça, c'était dur. Mais c'était le bon vieux temps. Puis justement, ma mère avait payé comme 30$, genre. Elle a pas payé cher, non. Mais non, définitivement pas. Fait que c'était quelque chose, en tout cas à l'époque, là. Mais bon, pour moi, 10$, je trouve que ça vaut quand même la peine. Si je peux jouer en ligne, ben, je vais trouver probablement quelqu'un qui va vouloir jouer avec moi sur Xbox Live. Ben, le pire, c'est que je vais probablement t'acheter, mais que j'aille mon Xbox. Fait que... Mm-hmm. Hey, vous me tordez les bras à tous les deux. Ah oui? Ah oui. Oh, Dieu, si j'ai pas besoin de faire grand-chose, finalement. Ben là, c'est quoi? Prends moi ça dans ma liste. Moi, Xbox, peut-être une Xbox 360. Moi qui est anti-Xbox, mais là, si là vous me dites, on va jouer sur Simpson Live, on va jouer sur Resident Evil, Operation Raccoon City sur Xbox. Moi, ça va être. T'as pas d'être seul, moi, à jouer online. Avec... Je sais pas pourquoi. Opération Raccoon City, je sais pas non plus, je me sens pas approché par ce jeu-là. Là. Tu devrais aimer ça, c'est un shooter. Ouais, mais. Ben, pas un shooter. T'as un shooter, troisième personne, mais ouais, genre. T'as des petits pouvoirs. Mais tant qu'à ça, j'aime mieux jouer à Left 4 Dead, là. Non, c'est pas pareil, c'est plus tactique, c'est genre style Call of Duty ou. Ah, ok. Ah, si je suis capable de donner des ordres, ça serait pas si pire. Mais pour argumenter, rétro, ben vite, on va dériver un petit peu. Tu serais pas un petit peu cher de devoir peut-être payer le plein prix, soit 70$ pour Operation Raccoon City. Ça risque d'être un jeu qui va peut-être durer quoi, peut-être 3h, 4h? Moi, c'est Resident Evil, il n'y a pas de compromis. Bon point. Aucun bon compromis point. Possible. Très bon point. C'est comme quand JP, il y a un nouveau titre de BioWare qui sort, là. Ben oui, pas le choix. Mass Effect, c'est ça. J'ai acheté Duke Nukem Forever, la grosse boîte à 99$. Tu regardes depuis? Moi, j'ai pas regretté, parce que je savais exactement ce que j'allais avoir. Ah, je demande. Puis je l'ai fait autographier le artbook par Randy Pitchford, fait que... Oh, quand même. Non, c'est bon move, bon move. Non, il le savait à peine, je trouve, là, finalement. Il y avait Frank Detang qui avait fait autographier le buste aussi qu'elle avait, puis Randy avait dit là, c'était la première fois que j'autographie le buste lui-même. C'est assez beau. Mais si je peux m'insérer, je peux-tu rajouter une petite nouvelle, mon Ben? Ouais, vas-y fort. Ouais, mardi passé, j'ai été. Il y avait une réunion du International Game Developers Association de Montréal. OK. Il faisait ce qu'il appelait une Demo Night. Donc, c'est tous des jeux en production qui étaient présentés aux membres et non-membres de l'IGDA. OK. J'ai vu quelques petits jeux intéressants. Est-ce que tu as le droit de dire quelque chose en passant? Parce que là, je ne sais pas si tu dis. Je vais juste donner des noms. Honnêtement, des noms qui m'ont vraiment plus marqué. Il y avait Warp, qui sort très bientôt, d'ici un ou deux mois, sur Steam. sur Steam, PC, Xbox. C'est vraiment très sympathique. C'est une espèce de petite bébête qui se téléporte. Tu peux te téléporter dans les gens. Tu as des petits pouvoirs, genre, pour switcher de place. Puis pour. Tu peux, genre, te téléporter dans des bonhommes pour les faire exploser par après. C'est cute d'une bizarre de manière. Là. Sinon, il y a un petit jeu, je suppose, vous avez entendu parler, un petit Mass Effect 3. Mm-hmm. On en parlait tantôt. T'as vu des images? Mais il n'y avait pas grand-chose de spécial, c'est ce qu'on avait déjà vu. C'était un level qu'on avait déjà vu, donc il n'y avait pas grand-chose d'exclusif. Il y avait le jeu Fez qui était présenté. OK. Il y avait Castle Story aussi qui avait l'air très intéressant. C'est ça qui me vient à l'esprit là parce que non, je suis pas préparé. Mais si vous êtes curieux, je vous invite à aller voir justement le site de l'IGDA. Ils font des. Normalement, c'est pour les développeurs, mais aussi pour le monde autour du monde des jeux. Donc, du monde qui ont des sites web de jeux aussi. Là, wink wink. Okay. C'était 5$, puis il y avait un ticket pour une consommation, puis des petits sandwichs pas de croûte. Ouh! J'espère que les sandwichs étaient bonnes. Oh oui, ça valait la peine. Hey, excuse. Sanut au fromage, sanut au jambon, sanut au caviar. Au jambon, fromage. On veut les détails, JP. C'est comme des sandwichs. Je pense que c'était du Dagwood, là, mais tu sais, des sandwichs Subway là, que tu commandes en plateau. Là. Ah, ok, les gros sous-marins. Là. Ouais. Ok. Donc, hey, caviar. Je sais pas, JP, si tu as vu sur Steam récemment, il y a eu un nouveau jeu qui est sorti qui est dans ton genre de Space Battle. Qui s'appelle ça, ouais. Exodus. Ouais, j'avais vu ça, ça a l'air intéressant. Si jamais je peux avoir 2 secondes à moi dans ma vie, ce serait le fun que je puisse jouer à ça. Ah, oh, tu vas sûrement trouver. Là. Ça a l'air qu'il faut qu'on coupe dans le couple, ça a l'air. Ah, oui. Mais non, c'est ça. Je l'ai vu, ça avait l'air un petit peu arcade, ça avait l'air intéressant. Mm. Mais j'ai pas vu plus qu'il faut. Comme je dis, parce que cette semaine, j'étais assez occupé. Là. Mm-hmm. Mais ça, j'ai vu un Joe qui a fait une critique de ce jeu-là, puis ça m'a l'air quand même intéressant comme shooter, fait que... En plus, il fait la démonstration du... c'était quoi, un joystick? Ah-ha! Et quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah, ça c'est JP Cardin à cracher! » Mais bon. Ah ouais. Changement de nouvelle, on s'en va aller dans une autre nouvelle. Nintendo a annoncé son nouveau network de... pour la Wii U. Mais oui, le Nintendo Network. Il était du temps? Oh oui, c'est sûr. Mais oui, je suis pas un grand fan original. Ouais, c'est sûr. Mais je suis pas un grand fan du multiplayer de gens partant, puis je trouve que le monde en font trop un cas avec ça. Là. Mais je trouvais ça important que Nintendo le fasse finalement. J'espère. Ben, écoute, Nintendo a toujours été en retard sur ben des points. Dans les podcasts, on avait parlé de... C'est là qu'enfin ils sortent une console HD. C'est là qu'enfin il suit la compétition. C'est sûr, mais on comprend les motivations de Nintendo par rapport à ça. Dans le temps où le Xbox 360 et le PlayStation 3 sont sortis, les télévisions HD n'étaient pas répandues partout dans les foyers. Mm-hmm. Donc, ils ne voyaient pas la nécessité d'avoir HD. Personnellement, moi non plus, je ne voyais pas la nécessité. J'avais même pas de TV HD de toute façon, mm-hmm. dans ce temps-là. À part ça, Nintendo ont développé des affaires en ligne bien avant les autres consoles, mais ça n'a jamais marché parce que c'était pas la bonne époque pour le faire. On parle ici du modem pour la GameCube. Oui, ben ça aussi, mais Super Nintendo, tu avais le... Ah oui, le satellite. Oui, le truc satellite, là, je me souviens plus du nom exact, là, où il y avait des jeux downloadables et toute la kit. Là. Mm-hmm. Puis le 3D avec le Virtual Boy qui a été un flop monumental. Mais il souffre encore. Ça les a pas empêchés de vendre des millions et des millions de Wii la dernière génération. Voilà, c'est un fait. Parce qu'ils n'ont pas ciblé le même marché, parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas chercher le marché du hardcore, fait qu'ils ont switché le marché pour le casual, puis les personnes qui n'avaient jamais joué à une console avant. OK, ouais, OK. Ça a marché. Ah ben, au moins. Là, ils peuvent se réinsérer dans le marché du hardcore. Mm. Vu de même. Ouais. C'est ça. Excusez-moi, ouais. J'étais en train d'essayer d'arranger de quoi, mais j'étais pas capable de m'entendre. Bon, écoutez, moi je suis quand même content de voir ça. J'ai hâte de voir quelle allure ça va de l'air. Je sais que j'aime bien, moi, l'allure du Wii Shop, pareil. J'espère qu'ils vont garder un petit peu ce principe-là. Ah, t'aimes le Wii Shop, toi? Moi, je l'aime. Présenté? Moi aussi. Ah, j'aime pas l'interface. L'interface, c'est simpliste, d'accord, mais c'est ça. Quand tu regardes les descriptions pour savoir les détails de jeu, là, les screenshots, c'est minuscule, puis il y a juste une description vague, pas de vidéo, rien. Mm-hmm. Puis là, Nintendo vient juste de changer leur optique sur les démos. Ils ont mis toutes les démos possibles qu'il y avait sur WiiWare, là. OK. Puis là, ils sont tout le temps disponibles au lieu de quelques-uns par semaine, puis avec une durée limitée. Bon. Mm. On va voir ce que ça va donner. S'ils peuvent hoper, sinon, d'avoir une allure un petit peu comme Steam, ça serait parfait. Oui. Moi, j'adore Steam. Oui, je me fais souvent voir durant les périodes des fêtes. T'es pas le seul. JPP moins. Oui. Ça nous coûte cher durant le temps des Mais fêtes. Parlant de Steam, justement, je vais avoir Steam Mobile sur mon Android. Là. OK. C'est bien le fun. Ça permet encore plus de dépenser. Mais Steam Mobile, tu peux-tu nous expliquer un petit peu c'est quoi? Parce que moi, j'ai pas d'Android sur moi. Ben, en gros, c'est comme t'as Steam moins ta librairie de jeux. Ça fait que tu peux faire des messages avec le monde qui sont en ligne, voir les nouvelles, acheter des jeux, voir ce qui est en spécial. Fait qu'en gros, c'est comme avoir le site web de Steam dans ton téléphone, dans une application. OK. Mais tu peux pas jouer à tes jeux là-dessus? Non. OK. Ça aurait été fun de jouer de Binding of Isaac dessus. Ouais, mais mes deux gros pouces, là, ils prennent la moitié de l'écran. Et des contrôles touch, je pense pas que ça va être encore mieux que les contrôles poche qu'il y a déjà au départ. C'est un fait. Puis, il aurait fallu qu'on fasse l'arrangement pour que les manettes de PS3 marchent sur le Android, là, sur ton téléphone Android. Là. Big ouais. deal. Ah, il y a sûrement quelqu'un qui va le faire. Ah, ça marche, je pense. Ah, je pense qu'il y a une application qui marche. C'est Bluetooth, oui. Oui, vu que la manette est Bluetooth. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Sinon, à part ça, les nouvelles, je vérifie très très rapidement, désolé. Sinon, à part ça, on a le fameux PS Vita qui sort bientôt. Vos impressions là-dessus, ce PS Vita, vous pensez quoi, vous autres? Yup. Non, je pense pas. Moi, je pense pas grand-chose, honnêtement. Là, pas certain que ça va pogner. Surtout au prix que ça l'est, là. Ben, t'as deux choix. T'as 250. T'as le choix entre le bundle 250 qui est le First Edition. Ou ce qu'il appelle le First Edition, excusez-moi, à 300. Fait que t'as deux bundles disponibles pour la PS Vita. L'autre trop problème, c'est c'est trop cher. Et de deux, c'est aussi la librairie de jeu. Mm-hmm. Oui. Ouais. C'est. Mettons que vous, finalement, la Vita vous intéresse. Selon les jeux que vous voyez, lesquels que vous voyez qui vont vous faire dire « Ah oui, il me faut une Vita. » Rien. Mais c'est quoi, il y a pas Final Fantasy Origins là-dessus, ou je sais pas quoi? Non, je penserais pas. Peut-être que j'ai tort. Peut-être qu'un nouveau titre de Final Fantasy, mais Origins, c'est l'habitude, c'est le 1 puis le 2, puis tu peux l'acheter sur PSN. Ouais, je l'ai déjà sur PS1. C'est ça. Ouais, bon. Moi non plus, j'ai pas ben d'espoir pour cette console-là, à moins qu'il sorte un jeu. Il va encore sortir Street Fighter 4 sur PS Vita. Ouais, mais regarde. De 1. Il y a déjà plusieurs versions, c'est... Ça commence à faire, tu sais. Regarde, moi, la seule raison pour moi qui me fait acheter une console, c'est s'il va y avoir un Resident Evil dessus. Et voilà. OK, fait que quand j'ai la GameCube, ils ont annoncé la GameCube, puis ils ont dit que Capcom a annoncé qu'il allait refaire le 1. Puis le 0. Le 0 en plus, puis ressortir les autres de PlayStation dessus, j'ai dit, je l'achète. Mm-hmm. Question comme ça, Rétro, est-ce que t'as une copie des... Est-ce que tu as une copie de Resident Evil 2 et 3 sur GameCube? Oui. Ah, mais quel collectionneur! Moi aussi. Mais il y a un de mes amis qui a la manette enchaîne ça pour la GameCube. Ah, ça, c'est excessif. Je jouerais pas avec cette manette-là, mais juste l'avoir sur mon, dans mon mur de sécurité, ouais. Je serais bien content. C'était pas donné comme un pre-order avec Resident Evil 4, ça? Non, mais j'ai... Tu peux aussi l'acheter à part. Fallait que tu l'achètes à part. OK. Parce que moi, je l'ai précommandé, j'ai rien reçu. J'ai eu un disque de musique du premier film avec, moi. Ah ouais? Ah ouais, moi j'ai rien su. Mais moi j'étais au petit magasin du coin là dans le temps. Là. Fait que, il m'avait pas donné grand chose. La seule affaire que j'ai eu en précommande, puis j'étais vraiment content, c'était le Zelda. C'est le Zelda Wind Waker que j'ai reçu. Le Zelda 64 pour GameCube. Ah ouais, le Master Quest. Ouais, le Master Quest, ouais. Oh nice. Ça, j'étais vraiment content. Puis je sais que c'est une copie qui est plutôt rare là. Mm-hmm. Oui, ça il vend 500$ des machos plus. Je paierais jamais ça. Mais pour en revenir à Vita, c'est sûr que s'il n'y a pas de titre intéressant, moi, de jeu important, je suis pas très Sony. Fait que, mm-hmm. Faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup de jeux annoncés qui vont aller me chercher moi. Mais je suis pas prêt à payer 250$ pour PS Vita comme j'étais pas prêt à payer 250$ pour ma 3DS. Là, ouais, c'est un fait. C'est un fait. Et on voyait que ça avait... Ce qui avait aidé la première console portable de PlayStation, je pense qu'honnêtement, c'est le fait que vous êtes hacké. Oui. Puis pas juste pour jouer à des jeux que tu n'avais pas acheté, mais genre, tu peux jouer à des jeux genre de Mario ou whatever. Tu peux faire comme plein d'affaires une fois que tu l'avais comme craqué. Mm. Puis ça, j'imagine, je pense qu'honnêtement, c'est un gros point vendeur. Ben, Sony. Malgré tout, ça faisait chier Sony. Là. Et ça fait ça depuis leur première console, qu'est-ce que tu veux? On a toujours été capable des bypasser, tu sais. Oui. Je suis passé à la mod chip. La fameuse mod chip. Je l'ai faite, mais ça m'a toujours fait chier parce que ma première mod chip m'a fait péter mon premier PlayStation. Ouais. Ouais. Moi, j'ai eu une mod chip pour. Parce qu'il y avait un magasin qui avait mon jeu préféré, Castlevania, mais version japonais. Okay. Pour sur PlayStation, tu sais, c'est Symphony of the Night et Nocturne of the Moonlight en japonais. Ok. Ben pour 60$, ben c'est une de mes pièces de collection favorites. Ouais, ben. Bon, ben, on va finir ça, le segment nouvelle avec, ben écoutez, la nouvelle qui moi m'a fait choquer. Oups. Un petit peu plus. Les rumeurs, oui. Je pense que je ne te parle, Ben. Non, t'es là. Ok. Non. Ma dernière nouvelle, c'est par rapport à la prochaine Xbox. Qui, ben écoute, les rumeurs sortent, les premières rumeurs. Tout d'abord, qu'ils vont jouer Blu-ray, qui ne jouera pas les jeux usagés, et qui vont nous introduire le Kinect 2. Vomi. C'est de la chute. Ils vont pas jouer les jeux usagés. Oui, je sais pas comment ils vont faire ça, là, mais en tout cas. Probablement que c'est comme au PC, tu vas avoir un CD key, j'imagine. C'est ridicule. Ouais. Ça veut dire non. Que les magasins, comme les plus Super Cube Vidéotron, pourront pas louer de jeux. Non. Mais c'est vraiment colon. C'est détruire un market de jeux usagés. Là. Moi, je trouve c'est que c'est un peu important. Ça donne pas d'argent aux développeurs. Ils ont aucun intérêt à laisser ça aller. Ben oui, mais quand j'achète un char, je peux le revendre. Ça donne pas d'argent à Hyundai quand je vais revendre mon char. Ouais, là. Mais eux autres, ils se disent, tu fais de l'argent avec. Pourquoi nous autres, on en refait pas? Mais ben, je fais pas nécessairement de l'argent. Qui pense, eux autres. Si je le prête à un de mes chums, je fais pas d'argent. Non, mais si la stratégie est un petit peu, moi je te dirais qu'elle est un petit peu mal pensée, parce que déjà qu'ils font quasiment plus de démos de jeu. Déjà en partant. Là, tu vas empêcher les locations de jeu, tu vas empêcher le monde de prêter les jeux. Là, tu vas faire quoi? Ça marchera pas. C'est bizarre. C'est certain que ça marchera pas. Mais je pense qu'il va y avoir des compagnies, je me rappelle, il y avait des compagnies qui avaient boycotté le fameux PSP Go. Pour ces raisons-là, oui. Pour ces raisons-là, parce que c'était juste du digital, il n'y avait rien d'autre. Mais qu'est-ce qui est rendu avec la PSP Go? Ben, elle n'existe plus. Ben, probablement qu'il y en a une couple d'enterrés dans le désert avec les... Avec les cartouches de E.T. Oui, c'est ça. Moi, c'est ce qui arrive. Mais non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Puis c'est sûrement une des raisons qui m'a empêché d'aller m'acheter une Xbox 720. Je dis bien 720, c'est pas la limite. Ah oui, parce qu'il y a des jeux qui coûtent beaucoup trop cher. Puis moi, j'attends les acheter usagés. Mm-hmm. Souvent, j'aime bien. Sinon, j'attends souvent pour les baisses de prix, mais ça peut prendre des années. Là. Ouais, c'est ça. Pas tant que ça. Ben, ça dépend. Mario est encore. Il y a des jeux de Mario qui sont neufs, qui datent de 5 ans, qui sont encore à 70$. Ouais, mais ça, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont les vendre. Bon, ouais, c'est des Mario, ça se vend tout le temps. Tous les jeux Nintendo se vendent pas mal tout le temps. C'est ça. Mais regarde, tu prends un jeu, par exemple, les derniers Assassin's Creed. Ils baissent de prix en même pas 6 mois, par exemple. Ouais. Là, je viens d'acheter Rayman Origin, il est sorti à Noël. Puis là, j'ai payé 20$ pour le jeu. Fait que... Ça dit tout, dans le fond. Hein? Il dit ça dit tout. D'un, ça dit tout. C'est ça. De deux, c'est parce que cette méthode-là que Microsoft veut l'instaurer, c'est ça que je veux dire en anglais, c'est un peu comme un polystate. Je veux dire... C'est un peu comme une idée de consommateur. Pour ajouter à ce que vous avez dit, qu'est-ce qui arrive si la personne n'aime pas son jeu? Il est stocké avec? Ouais. Il serait plus motivé à acheter d'autres jeux. C'est con à dire, mais le partage a souvent été la chose qui a fait rouler n'importe quelle économie. La preuve, on dit souvent que c'est le bouche à oreille qui est la meilleure méthode pour répandre un produit. Je suis d'accord. Pourquoi couper ça là pour au nom du contrôle? Ben, selon moi, c'est parce qu'ils veulent vraiment avoir le contrôle de leur marché. Je suis d'accord avec JP là-dessus. Master, est-ce que ça va marcher? Ça, j'en sais. Moi, je pense que... Ça va marcher un bout de temps, mais c'est ça. Je pense qu'ils vont perdre le nombre de Xbox hacké va monter drastiquement. Oh, oui. Parce que la 360 n'était pas si hackée que ça, ce que j'ai pu remarquer. Parce que t'avais quand même du bon service, ça marchait quand même bien. Puis c'était pas comme la PlayStation où t'avais plein de jeux japonais, là. Exact. Mais non, moi j'ai vraiment l'impression que les gens vont se lever contre ça. Ouais. À voir comment Microsoft va réagir. Et pourquoi changer quelque chose qui pourtant marche très bien pour Microsoft déjà en partant? Pourquoi changer une formule? Pourquoi réparer une formule qui n'est pas cassée? C'est ça qui arrive en ce moment. Ouais. Mais bon, l'histoire va nous dire prochainement. La compagnie n'a pas démenti encore cette rumeur-là, donc ça laisse supposer que ça reste probablement comme ça. On va attendre les nouvelles probablement au prochain E3, ils vont peut-être nous donner des nouvelles. Ouais, honnêtement, ça m'étonne. Ouais. Pas Microsoft. Mais, regarde, moi j'aurais pensé que ça aurait été PlayStation qui aurait commencé. Ouais. Mais bon, je pense que Xbox et Microsoft, ils s'en mettent trop bien, là. Fallait qu'ils calent à mener. Ouais. Ben, selon moi, ça va amener au prochain sujet qu'on va avoir. Notre sujet du jour, ça va être les PC contre les consoles. Oh boy. Alors, il y a des gens qui apprécient jouer sur console, il y en a d'autres qui apprécient jouer sur les PC. Quelle est pour vous autres, les gars, votre envie, je veux dire, pour vous, c'est quoi votre différence que vous avez lorsque vous jouez un jeu sur la console et sur un PC? Je vais commencer avec notre cher JP pour commencer. Je dirais la différence, c'est le fait que t'as pas besoin de switcher de CD quand on parle de gros jeux. T'as pas besoin de te lever pour... changer de CD et tout ça. Généralement, à Star avec Steam, c'est pas mal tout direct dans l'ordi. Tandis que sur console, ben t'as pas besoin de te demander si c'est le bon hardware. Si c'est marqué Xbox 360, ça va marcher. T'sais. C'est un fait. On va y aller avec Retro. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, question de hardware, je suis d'accord avec JP là-dessus. C'est que aussitôt que t'achètes un jeu, t'es sûr qu'il va marcher sur ta console. Oui. Tu n'arriveras pas chez vous, puis là, tu n'auras pas à checker tous tes settings, puis etc., pour voir si tu es capable d'avoir la meilleure qualité possible. Puis, t'es pas sûr que tu feras toutes les composantes dans ton ordinateur nécessaires, ou si tu n'auras pas besoin d'upgrader ou de dépenser un autre 300$ pour essayer de pouvoir jouer ton jeu, tu comprends? Oui, ouais, provenant j'ai rien contre... ouais, ça, c'est une défense. J'avoue que... J'ai regretté mon achat quelques mois après. Oh. Malgré que j'aime bien ma machine, le défaut avec les portables de gaming, c'est que ça passe date assez rapidement. Et c'est pas upgradable. Oui, c'est un fait. J'ai acheté ça sur un coup de tête pour avoir l'air cool. Et puis. T'as-tu mis une pièce à te passer? Hein? Oui, ben justement, je le paye encore. Je vais te payer pour un petit bout encore. Ça m'a mis dans le trou. Mais bon, c'est une bonne petite machine quand même. Je m'en sers pour des fois enregistrer mes consoles, etc. Là, dans le salon. Mm-hmm. Mais ouais, en tout cas, pour le PC gaming, c'est sûr que je préfère les consoles parce que quand tu mets un jeu, il n'y a pas de DRM. Mm-hmm. Tandis que sur PC, pour l'instant. Mettons, là, ça fait quoi? 2 ans que j'avais pas joué à Grand Theft Auto 4, puis je l'ai sur PC, tu sais. Là, il faut que je rends encore mon code, il faut encore le faire valider par Internet, puis là, il faut installer quelques millions de patchs, il faut participer aux choses club de Valve, de Rockstar. Rockstar, excusez-moi. Rocksteady, c'est un personnage dans Turtles. Non, c'est pas. Et Rocksteady, c'est une compagnie de Batman, de Arkham Asylum. Ah, ok. Ouais, c'est ça. Faut encore s'inscrire en ligne, puis tout ça. C'est que ça m'énerve. Mm-hmm. Ça, je suis pas capable. Ça m'énerve. C'est épouvantable. Moi, je devrais pas avoir à me loguer pour jouer à un jeu. Puis, une autre chose qui va m'énerver, avec surtout les jeux vendus sur Steam ou sur PC en général, c'est que les serveurs. Ou faut que tu t'inscrives tout ça, un jour ils vont fermer ça pour que tu puisses jouer aux jeux plus récents puis pas aux vieux. Ouais. Mm. Tandis que sur mes consoles, ben gars, je joue encore à mes jeux Nintendo après 25-30 ans. Là. OK. Et antithèse, toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, ce que j'en pense, c'est que quand on y pense sérieusement, de toute manière, consoles que PC. Les deux se rapprochent de plus en plus. On a même parlé tout à l'heure. Mm-hmm. C'est que tu as de plus en plus de consoles qui visent souvent le marché du digital. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est le PC qui a commencé avec ça, en fait. Oui. Le point est le suivant. C'est que... Excusez-moi. Mis à part le truc du hardware, les deux Aster offrent autant les consoles que les PC offrent des patchs. Si vous me demandez mon avis personnel, je préfère la console parce que moi, comme JP puis Retro ont dit, j'ai l'assurance que mes jeux vont fonctionner puis que j'aurai pas à me rendre compte que ah fuck, j'ai ma carte graphique est de 256 MB. Ah ben si je jouais à tel nouveau jeu, faut que je change ça pour une carte de 1 GB. Ouais. Là, je suis dans la marde. Mm-hmm. C'est ça la grosse démo du gaming PC, mais je te dirais que même l'industrie du gaming, du PC, s'en rend compte et essaye justement de s'ajuster en conséquence. Alors, c'est quasiment devenu autant l'une que l'autre, pour acheter des nouveaux arguments, c'est quasiment devenu l'une que l'autre similaire à ce niveau-là. OK. Et selon vous, l'arrivée de Steam, a-t-il fait vraiment un changement dans la guerre PC contre console? Moi, je pense pas. Moi, je pense que oui, au niveau du fait que tu regardes les ventes de feu qu'ils font, là, ça incite le monde à acheter plus sur PC, je trouve. OK. Parce que dès que t'offres le moment où t'offres l'occasion d'acheter des trucs sans sortir de chez vous, tu pognes les geeks. Oui, c'est un fait. C'est catabé. Le monde n'aime pas sortir de chez eux. Ouais, c'est sûr. Puis, en tout cas, moi, je suis pas sûr que ça va vraiment aider le consommateur d'avoir juste du digital. Non, c'est un fait. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on n'est pas supposé parler, là. Bon, on peut en parler, ouais. Regarde, au fur et à mesure, là. Mais le digital, c'est comme qui a déjà été discuté, excusez-moi. C'est le futur, c'est l'évolution. On peut pas empêcher ça vraiment. Non, c'est sûr que c'est préférable pour les collectionneurs d'avoir Pas juste pour les collectionneurs. Parce qu'au point de vue consommation, quand je vois un jeu qui est sur Steam qui est au même prix que la version retail, je me dis, what the fuck? Je me dis. C'est mieux retail. La personne qui achète le digital se fait fourrer, là. Oui, d'aplomb à part de ça. Parce que mais surtout qu'au Canada, on est obligé de payer notre bande passante à un prix faramineux, finalement, là. Ça dépend si tu sais comment magasiner. Ben, j'ai vu, je pense que c'est distributeur à cette heure qui font illimité à cette heure. Oui, ouais, pour 57$ en affaire comme ça. Je sais pas, je vais aller me renseigner parce que là, je prévois mon déménagement prochainement. Mais, et voilà. C'est ça, ça va jouer dans ma conséquence de choisir ma compagnie. Parce que moi, je me dis, par exemple, je suis plus Netflix 7 en 7. Et Netflix mange beaucoup de bandes passantes. Oui, j'ai galère. Comment tu dis ça, Rétro? 1 GB à l'heure. Ah, c'est mieux de ce que j'ai entendu dire. Ben, c'est ce qu'ils disent sur leur site. C'est 1 giga à l'heure. Moi, au début, on m'a dit, c'est 10 minutes, c'est 1 gig. Non, c'est un giga à l'heure. J'écoute peut-être une quinzaine de films par mois. Puis moi, j'ai TGV 15 avec Vidéotron. Hein. Mm-hmm. Et voilà. C'est 90 gigs, puis je pète même pas 50%. OK. Toi, ça dépend aussi de la qualité que tu as choisi dans tes options de Netflix. HD. OK. Moi, c'est juste du HD que j'écoute. Et selon vous autres, là, l'arrivée des nouvelles consoles, ça va-tu faire la disparition des supports physiques ou bien ils vont s'en aller directement sur le digital, Nintendo, exemple, l'électronique? Nintendo, on dit qu'ils voulaient garder les deux, là, parce qu'ils trouvaient ça important pour le consommateur, justement, et je pense qu'ils ont les mêmes préoccupations que moi et que j'ai. Par rapport à la bande passante? Non, par rapport au choix du consommateur. OK. Non, ils ont les préoccupations, c'est la fin de mois, la bottom line, c'est pas toi, c'est... Ben, la façon qu'il propose, c'est plus un consommateur. Tant mieux si je me fais avoir dans ça, mais moi, je pense sérieusement que garder le retail, c'est important. Parce qu'au moment où les consoles vont devenir seulement digitales, il me restait qu'un PC, je n'irai pas chercher de console. Mm-hmm. Ouais. Puis toi, JP, qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, j'en pense que... Excuse-moi. Ah, il n'y a pas de grip down, tu sais. honnêtement, ce qui m'a fait revenir sur le PC, c'est... les mods, ce que tu peux pas avoir sur les consoles. T'as un meilleur sentiment de communauté, je pense, avec les forums pis tout. Je pense que honnêtement, c'est quelqu'un qui m'avait dit ça comme argument. Je trouve que ça fait un peu de sens aussi, justement, qui va être mon premier argument. Ce que j'aime aussi, ben, c'est que ça accélère beaucoup moins vite qu'avant. Le hardware prend beaucoup plus de temps à vieillir. Parce qu'on se rappelle, les Pentium 1, Pentium 2, ça arrêtait pas. Mais là, ça a commencé à se calmer parce que c'est rendu tellement vite que pour que les jeux prennent full usage de ça, ça va prendre encore quelques années. Comme par exemple, la plupart des compagnies disaient que les hardware vont probablement prendre jusqu'à 8-9 ans avant d'être changés finalement. Là. Ouais. Comme on dit, c'est la PS3 n'est pas encore assez vieille pour être changée. Ouais, c'est parce que la PS3 pas besoin de runner Windows par-dessus ça non plus, tu sais. Ni des 35 000 applications. Tu sais, faut que tu regardes la PS3 et la Xbox comme étant un ordinateur qui fait juste rouler des jeux. Ça roule pas d'OS, ça roule pas rien d'autre. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça que c'est capable d'avoir du plus vieux hardware, mais d'avoir les mêmes genres de graphiques. OK. Ah ben, oups, excusez-moi. Bon, pas moi. Non, c'est moi. C'est mes amis qui viennent m'apparaître sur MSN. Désolé. Non, mais ce que je disais, c'est que c'est pas moi qui t'a envoyé un message sur MSN. Ouais, non, c'est pas toi qui m'a envoyé. Non, c'est mes amis. Ok, few. Non, c'est pas toi. Few. Vas-y. Puis mon opinion là-dessus. Excusez-moi, je viens de. Moi, je l'ai pas encore dit. On veut pas l'entendre, non, c'est pas vrai. Ok, c'est bon, on l'entendrait pas d'abord. Ça va être quoi le futur pour ce qui est du PC selon vous autres? Est-ce qu'ils vont toujours rester dans la même niche des jeux plus souris clavier ou ils vont peut-être tenter de faire une introduction dans les jeux plus de la console? Ben, je pense que c'est déjà en train de se faire. Tu regardes Steam qui supporte les consoles de Xbox et d'achat de PS3. Ok. Je pense qu'honnêtement, c'est déjà en train de se faire. Il y a des jeux, genre, justement, t'as le support natif de la Xbox 3, la manette de la Xbox, direct dans le jeu PC, là. Fait que, oui, c'est assez clair qu'ils veulent s'en aller vers ça. OK. Ah, ben, ça se peut fortement qu'ils veulent se diriger vers le gaming plus casual. Qu'est-ce que t'en penses, Retro, toi? Ben, moi, je pense qu'il va toujours avoir des consoles, principalement à cause du prix d'acquisition. Oui. Qui est beaucoup moins que... Ben, ça dépend tout dépendant de la machine que vous achetez, mais... Ben, c'est sûr que moi, j'ai un PC de la mort, là. Ouais. Mais je vais toujours avoir des consoles parce que, justement, à cause de ce que j'ai dit, des jeux là, plug and play, là. OK. Ouais. Puis, toi, Tita, est-ce que ça t'en pense? Parce que JP puis Retro ont pas mal dit... ce qu'il y avait à dire. Le reste va dépendre de où c'est que les compagnies vont diriger pour distribuer. OK. Ouais. Ouais, ça, c'est sûr et certain. Quel est l'avenir des consoles et des PC? on n'en sait rien, les accros. Tout ce qu'on peut dire, c'est dur à dire. Ça va être le choix des consommateurs qui va décider de cette guerre-là. Entre-temps, moi, je vais retourner à mes bonnes vieilles consoles parce que c'est ce que j'aime le plus. Malheureusement. Ouais. Et je vais jouer pas à temps à Binding of Isaac. Ouais, pourquoi malheureusement? Pourquoi malheureusement? Ben, je sais pas. Moi regarde, mais vous connaissez mon histoire avec The Old Republic. Qu'est-ce qui se passait avec mon ordi? Non. Je m'en vais sur Can You Run It, le site qui vous dit est-ce que votre PC est capable de faire rouler votre jeu? Je check. Le site me dit oui, pas de problème, tu vas être capable de jouer dans le fond. Yes! On va l'acheter! Ma carte vidéo, veut rien savoir. Ah, ça en a. Ouais. Fait que pour ça, si je veux jouer à ce jeu-là, je suis obligé de changer ma carte graphique, ce qui me tente pas. C'est pas toutes les compagnies qui ont la philosophie Blizzard. Non. Non. Et je l'ai pas de EA. Mais bon, je les bomberai pas. Mais ils m'ont juste fait chier de devoir me charger un montant supplémentaire pour changer ma carte graphique. Ouais, on a. Ouais. Parce que j'ai. Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Mais bon, j'ai pas bébé choix. Fait que sur ce, les accros, on va se laisser. Merci beaucoup à vous autres, les gars, d'être venus. C'était vraiment génial. Pas de problème. C'était pas mon premier podcast, puis j'ai trouvé ça hot. Ben, on va en faire un autre prochainement. Entre-temps, les accros, vu que vous êtes en train de vous regarder la nouvelle bande-annonce des Avengers, je vous conseille de venir en parler sur le forum des accros. Et oui, parce que là, je viens de le voir que Giger vient de poster la bande-annonce, et je veux l'écouter, genre, là. Attends, une nouvelle bande-annonce? Oui, The Avengers. Oublie ça. Tu venais de me perdre. OK, bye. Bye. Sinon, les accros, restez prochainement sur le site. Il y a des nouveautés qui s'en viennent, des nouvelles vidéos. Le podcast va être probablement posté sur le site. Il faut encore que je travaille sur l'iTunes parce que j'ai de la misère avec le fil RSS pour l'envoyer sur iTunes. Mais on va essayer de régler le problème le plus tôt possible. Alors, c'était le Big Ben. Antithèse. Rétro Gamer PQ. BGP. Pour lesaclosdesjeux.com, le podcast, merci beaucoup de nous avoir écoutés et on se dit à la prochaine. Salut. Salut. À la prochaine.